senti quoi le bon matin. Senti douceur la peau approcher de moi. Pour caresser moi, sentir les vents sur moi.